tu dis, quitte ta terre et ta maison. Quitte ce que tu connais déjà. Va vers un pays que je te montrerai. Sans carte, sans garantie, mais avec la foi. Abraham se lève sans tout comprendre. Il laisse derrière lui son passé. Et dans son pas tremblant commence une promesse que le monde n'oubliera jamais. La foi commence souvent par un pas dans l'inconnu. Par toi je bénirai les nations. Je ferai de ton nom une source. Par toi la terre recevra l'espérance et la lumière reprendra sa course. Par toi je bénirai les nations, même quand tu n'en vois pas l'issue. Car ce que je promets aujourd'hui dépasse ce que tu as cru. Il dresse un autel sur la route. Il invoque ton nom au milieu des pas. Mais la famine le pousse vers l'Égypte. Et la peur sa foi. Il cache sa femme par crainte de mourir. Et la vérité vacille un instant. Mais tu protèges malgré ses détours. L'appel posé sur son présent. Par toi je bénirai les nations. Je ferai de ton nom une source. Par toi la terre recevra l'espérance et la lumière reprendra sa course. Par toi je bénirai les nations, même quand tu n'en vois pas l'issue. Ce que je promets aujourd'hui dépasse ce que tu as cru. Ton appel tient malgré nos faiblesses.